voilà ce bel uniforme tout pimpant, tout luisant, tout frais, en lui donnant une jolie forme. C'est au ventre que je pensais, oui, chère Claudine, afin qu'il me reste en le confectionnant pour vous. Je ne voyais, je le confesse, que ce qu'il y aurait dessous. Je ne voyais, je le confesse, que ce qu'il y aurait dessous. Ce corsage, c'est ça qui m'occupe. Sur votre buste va se mouler les plis de cette heureuse jupe. Sur vos manches vont s'étaler, et songeant que bientôt peut-être il emboîterait vos pas. Je me disais que je voudrais bien être cet uniforme que je ne suis pas. Je me disais que je voudrais bien être cet uniforme que je ne suis. Eh bien, Claudine, êtes-vous satisfaite ? Griolet, je suis contente de vous. Enfin, plaît donc une bonne parole. Oui, avec ce bel uniforme, je finirai peut-être par plaire à Robert. Encore ? Et c'est pour ça que je l'aurais cousu amoureusement. Griolet ! Claudine ! Oh, vous voilà ! Eh bien, qu'est-ce qu'il y a donc, mon lieutenant ? Bah, il y a qu'il faut vous tenir prêt. Oui, l'état-major est réuni. Il y a de mauvaises nouvelles dans l'air. Oh, ça se dissipera. En attendant, nous sommes invités au bal, et moi j'éprouve le besoin de psychothérapie.